哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒。 J'en fais partie aussi. Y'a pas de raison qui tienne, y'a pas de raison qui tienne. Y'a pas de raison qui tienne. Thank you. say, aren't you a singer? Aren't you a singer? Thank you.

I'm

Javier, qué placer. Hola.